Leçon 2. Activité 2 et 3. Page 76. Piste 56. Loïc, tu fais quoi quand il fait beau pour être proche de la nature ? Je fais du foot dans le parc avec mes amis. Et toi, Hugo ? Je fais du camping. Je pêche avec mon papa. Et toi, Alice ? Moi, je fais du vélo en forêt avec mes parents.